Chapitre 21e. Si Erol s'était montré exigeant, Juliette l'eût maintenu à distance. Mais précisément parce qu'il demandait peu, elle lui accordait beaucoup. Précisément parce qu'il restait dans les limites qu'elle lui avait imposées, elle allait au-devant de lui. Pendant les 3 mois de la belle saison, elle habitait tout à fait à Nogent. Pour être plus près d'elle, Erol s'était fixé à Chennevières chez sa mère, et de là il venait chaque jour à Nogent, tantôt avec un prétexte, tantôt avec un autre, le plus souvent sans raison aucune, au moins sans raison à donner à ceux qui se seraient inquiétés de ses visites. Dès la veille, il avait été convenu avec Juliette de l'endroit où ils devaient se rencontrer par hasard, quelquefois le long de la Marne entre Nogent et Joinville, quelquefois dans le bois en suivant l'allée parallèle à la petite rivière qui, de la faisanderie, va former la cascade du lac des Minimes. Longtemps avant l'heure du rendez-vous, il quittait Chennevières, et en arrivant au haut de la côte qui descend à Champigny, il s'arrêtait, et s'asseyant sur l'herbe, il regardait dans la vallée tendue à ses pieds. Bien entendu, la distance ne lui permettait pas d'apercevoir celle qui l'attendait, et sa vue se perdait dans la confusion des maisons, des prairies, des jardins et des bois. La rivière, comme un large ruban blanc, traçait une piste autour de laquelle ses yeux couraient. Il ne voyait pas Juliette, mais il la cherchait, il pensait à elle. Et par une sorte de vision intérieure, il l'apercevait marchant doucement sur la berge de la rivière. Et alors, mieux qu'avec les yeux, il jouissait de sa démarche gracieuse, de son port de tête, de sa robe de toile qui moulait la forme de ses épaules, de ses petits souliers qui découvraient ses pieds. Quelle séduction dans son attitude, quelle suavité dans ses yeux profonds. Il s'attardait dans cette contemplation idéale, puis, tout à coup, le sentiment du temps écoulé lui revenant, il se levait et descendait la côte comme une pierre qui roule. Lorsqu'il passait la rivière, le tablier du pont tremblait sous ses pas précipités, et le gardien sortait de sa guérite pour voir celui qui ébranlait ainsi la solidité de son pont. En peu de temps, il gagnait Joinville. Mais alors, regardant à sa montre, il voyait qu'il avait devancé l'heure. Il revenait vers Champigny, puis il retournait vers Joinville, puis il revenait encore en arrière. Il traversait le village. Ce n'était point encore l'heure fixée par Juliette. Mais qui sait, peut-être serait-elle en avance. Alors il lui fallait passer le temps, sans attirer l'attention des curieux. Il s'asseyait sur l'herbe et feignait de dormir. Il regardait la rivière couler avec l'air intelligent d'un homme qui crache dans l'eau pour faire des ronds. Ou bien il entreprenait des conversations avec les pêcheurs à la ligne. Fait-il bon temps aujourd'hui? Cela mord-il? Et autres propos de même force. Mais il était obligé d'apporter une certaine attention dans le choix de ses interlocuteurs, car il les avait si souvent plantés là, brusquement, au milieu d'une explication intéressante, pour courir au-devant de Juliette, qui apparaissait tout à coup, qu'il était connu de plusieurs des habitants des bords de la Marne, et ceux-là, indignés de ses façons, lui tournaient le dos lorsqu'il les approchait. Enfin, tout au loin, il apercevait une forme blanche, un voile qui voltigeait au vent. Il regardait, un enfant courait sur l'herbe. C'était elle. Il reprenait sa marche à grands pas. Et à mesure qu'il avançait, il se délectait à la voir venir au-devant de lui d'un pas lent et mesuré. Ils se rapprochaient. Leurs regards s'embrassaient, leurs mains se joignaient. Ils ne parlaient point. Et pendant quelques minutes, ils restaient perdus dans leur ravissement. Enfin, il reprenait le chemin que Juliette venait de faire. Et alors, marchant côte à côte, ils laissaient leurs lèvres formuler librement les paroles qui leur montaient du cœur. Combien de choses à se dire depuis la veille. M'aimes-tu? À quoi pensais-tu hier, à 8 heures du soir? L'enfant courait devant eux. Personne ne les écoutait, personne ne les dérangeait. Avec quel dédain ou quelle indifférence ils regardaient les gens auprès desquels ils passaient. Ils parlaient du passé, de l'avenir, de ce qu'ils feraient le lendemain, des moyens de se voir et de s'assurer des heures de liberté comme celles dont ils jouissaient en ce moment. Ils parlaient d'eux-mêmes et de projet en projet, de rêve en rêve, perdant le sentiment de la réalité au-dessus de laquelle il s'élevait, il s'arrangeait une vie de félicité où l'amour était tout. C'était une sorte de ravissement. Il planait au-dessus de la terre et, se soutenant, s'excitant l'un l'autre, il se maintenait dans des espaces imaginaires, un paradis d'amour. Cependant, il fallait rentrer dans la vulgarité des choses ordinaires, car on arrivait à nos gens. Alors ils s'exhortaient réciproquement à la modération et à la prudence. « Voile ton regard, » disait-elle. « Éteins l'éclat de ton visage, » disait-il, « tes mains tremblent. Soyons calmes, soyons sages. » Et ces jours-là, en effet, ils mettaient de la modération dans leurs paroles et de la prudence dans leur attitude. Heureux du bonheur qu'ils avaient goûté, ils pouvaient se contenir et s'observer. Mais il y avait des jours, au contraire, où ils n'avaient pas pu s'assurer une seule minute de solitude et où ils ne pouvaient se voir qu'en public, devant les importuns qui emplissaient la maison, et alors le calme et la sagesse étaient oubliés. Ils ne pouvaient pas se parler. Ils ne pouvaient pas se regarder. Pas une seconde d'intimité, pas un mot de tendresse. Comme si leur cœur n'était pas plein d'amour, ils restaient à côté l'un de l'autre, n'échangeant que des paroles insignifiantes, dont l'accent même devait être contenu. Alors Juliette, le voyant malheureux, voulait lui faire oublier ce supplice, et elle cherchait les occasions de lui jeter un mot d'amour à l'oreille, de lui presser la main dans une caresse furtive, de le serrer dans ses bras dans un élan passionné. Elle ne voulait pas qu'il partît mécontent et désolé. Mais les occasions qu'on cherche ainsi et qu'on violente sont pleines de périls. Il était difficile de s'isoler et de se mettre à l'abri des regards curieux. Il l'était surtout d'échapper à la surveillance de Madame de Labranche et de Monsieur Descloiseaux. Si Juliette croyait s'être assurée quelques minutes de tête à tête, elle voyait survenir Madame de Labranche qui s'attache à elle et ne la quittait plus. Si Harold croyait être parvenu à se débarrasser des fâcheux qui l'empêchaient de rejoindre Juliette, il trouvait presque toujours M. Descloiseaux qui lui barrait le chemin et qui, lui prenant le bras affectueusement, tenait à lui en raconter une bien bonne. Cependant, il parvenait encore à se soustraire quelquefois à cette curiosité et à cette surveillance, mais ce n'était qu'au prix d'alerte et de danger qui leur donnait de vives émotions. Un dimanche, qu'ils avaient ainsi passé la journée entière, sans pouvoir échanger un seul mot, Juliette, voyant l'heure de la séparation s'approcher, fut entraînée à l'une de ces imprudences qu'elle blâmait, mais qu'elle ne pouvait s'empêcher de commettre. À un certain moment, se croyant seule avec Errol dans une allée du jardin, et ne voyant personne autour d'eux, elle se jeta dans ses bras et le serra sur son cœur dans une étreinte folle. Cela se passa avec la rapidité d'un éclair. Ils s'enlacèrent, leurs lèvres s'unirent et ils se séparèrent. Puis, s'efforçant de prendre un air indifférent, ils rentrèrent à la maison. Sous le vestibule, ils se trouvèrent face à face avec M. Descloiseaux. Et il sembla à Juliette que celui-ci les regardait avec un étrange sourire, railleur et méchant. Mais il n'y fit pas autrement attention. Son cœur bondissait encore dans sa poitrine et elle était emportée dans un tourbillon de joie. Mais le lendemain, en apprenant que M. Descloiseaux demandait à la voir à l'heure précisément où Mme d'Alifard était à Paris, elle eut le pressentiment qu'il avait dû les surprendre la veille, et ce fut avec une certaine inquiétude qu'elle descendit au salon. Elle le trouva debout, plus coquet encore dans sa tenue qu'à l'ordinaire. Son pantalon gris ne faisait pas un pli, sa redingote blanc boutonnée le serrait finement à la taille, son linge était d'une blancheur éblouissante, et ses moustaches frisées teintes depuis le déjeuner n'avaient rien perdu encore de leur noir. « Vous êtes surpris de me voir ?» dit-il en tendant la main à Juliette. « Je viens pour vous. » Elle retira sa main qu'il voulait garder. « Pour vous rendre service. Voulez-vous me permettre de m'asseoir ?» Elle lui montra un fauteuil et s'assit elle-même sur une chaise à une distance respectueuse. « Vous savez, » dit-il, « quel sentiment vous m'avez inspiré. » Elle se leva vivement, mais il ne se laissa pas interrompre. « Vous me rendrez cette justice, » continua-t-il, « que depuis le jour où je vous ai entretenu de ce sentiment et vous n'avez pas voulu m'entendre, j'ai mis dans mes rapports avec vous toute la discrétion que vous pouviez désirer. Je n'ai point cessé de vous voir, parce que cela m'était impossible, mais je n'ai point parlé. Et soit par un mot, soit par un regard, je n'ai jamais fait la moindre allusion au secret que je gardais là. » Il frappa sur sa poche de côté dans laquelle bouffait son mouchoir. « Je me serais, je l'espère, toujours tenu renfermé dans cette réserve, si le hasard ne m'avait rendu témoin d'un fait qui me délie les lèvres. Vous savez que je suis du département du Nord, et vous savez aussi que dans le nord de la France et en Belgique, on a l'habitude d'employer des espions. L'espion, n'est-ce pas, est un petit miroir placé aux fenêtres et disposé de telle sorte qu'il reproduit l'image de la rue. Cette habitude de jeunesse m'a donné une certaine habileté pour voir, au moyen des glaces et des fenêtres, ce qui se passe loin de mes yeux. C'est ainsi qu'hier, dans cette fenêtre précisément, ouverte de manière à réfléchir ce qui se passait dans cette allée, j'étais témoin d'une scène que je ne veux pas vous décrire, mais qu'il suffira de vous indiquer pour que vous ne me fermiez plus la bouche maintenant, comme vous l'avez fermée autrefois. » Juliette pâlit, comme si elle allait tomber en syncope, mais elle ne bougea pas. « L'allée était déserte, » continua le vieux beau. « Vous vous y promeniez avec M. Erol, il était 5h45. » Il se fit un long silence. Juliette, immobile sur sa chaise, tenait ses yeux baissés. M. Descloiseaux la regardait en souriant, et de temps en temps il passait sa langue sur ses lèvres, comme le chat qui se délecte à l'idée de croquer la souris qu'il tient entre ses pattes. Cependant, il ne faisait ce mouvement qu'avec une certaine prudence, pour ne pas mouiller sa moustache et la déteindre. « Qu'une femme, dit-il, soit irréprochable et imprenable, cela se comprend jusqu'à un certain point. C'est une faiblesse qu'il faut respecter et qu'un galant homme respecte toujours. C'est ce que j'ai fait tant que j'ai cru que vous étiez cette femme insensible. Mais ce que mes yeux ont vu hier m'ouvre les lèvres aujourd'hui. Pourquoi me taire quand un autre parle ? Monsieur, vous voulez dire que c'est précisément parce qu'un autre a parlé que je dois me taire ? Eh bien non, car je ne suis pas jaloux, au moins je saurais fermer les yeux sur ce que je ne dois pas voir. Qu'est-ce que je vous demande ? Un peu de tendresse, de la bonté, de la complaisance. Me souffrir près de vous un ami, en conseil. L'amour d'un vieillard, chère Juliette, n'est pas ce que vous croyez. Il est plein d'indulgence que vous ne soupçonnez pas. Il est toujours soumis. Il n'est pas compromettant. Il reçoit ce qu'on veut bien lui donner et n'exige rien de ce qu'on lui refuse. Avec lui, pas de soupçons, pas de danger d'aucune sorte. Juliette était restée pendant assez longtemps comme si elle était accablée. La pâleur et la rougeur se succédaient instantanément sur son visage. Tout à coup, elle se leva et passa devant M. Descloiseaux, la tête haute. Il étendit sa main pour la retenir, elle le regarda en face. « Que votre main me suive, dit-elle, et je sonne. » Sans se retourner, elle sortit du salon.